طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله قال ونؤمن بأن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف يشاء. Et nous avons la ferme conviction et la ferme croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Fafihi ithbat sifat al-kalam. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala yatakallam bi harfin wa sawt. Donc, il y a en cela une affirmation de l'attribut d'Allah Azza wa Jal, la parole. Comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala parle bel et bien. Non. Qala, wa kallama Allah Musa taklima, wa lamma jaa Musa li miqatina, wa kallamahu rabbuh. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا كل هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم قال ونؤمن بأنه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. Et nous avons aussi la croyance que si les mers ou si la mer se transformait en encre et devait écrire les paroles de notre Seigneur, l'encre de la mer viendrait à finir avant que les paroles du Seigneur ne se terminent. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. نعم. ونؤمن بأن كلماته أتم الكلمات صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وحسنا في الحديث. Et nous avons aussi la ferme croyance que les paroles d'Allah Azza wa Jal sont les plus parfaites, les plus véridiques, les plus justes. قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. Et certes, les paroles de ton Seigneur ont atteint l'apogée de la perfection en termes de véracité et d'équité. وقال تعالى ومن أصدق من الله حديثا. Et qui est plus véridique en parole qu'Allah Azza wa Jal. ونؤمن بأن القرآن كلام الله تكلم به حقا وألقاه إلى جبريل فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. Et aussi, donc nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle. Et nous avons aussi la ferme croyance que le Coran al-Karim, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. C'est la parole d'Allah et que ce n'est pas une créature. Le Coran n'est pas créé. Et celui qui prétend que le Coran est créé, فما حكمه يا إخوان؟ أخانا سليم الذي يقول أن القرآن مخلوق كفر كفر نعم كفر عياذا بالله نعم قال الله قل نزله روح القدس من ربك بالحق وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين طيب فالقرآن كلام الله ونؤمن بأن الله عز وجل علي على خلقه بذاته وصفاته لقوله تعالى وهو العلي العظيم Donc là on a terminé avec l'attribut de la parole comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala parle bel et bien et quand on dit qu'il parle bel et bien c'est-à-dire que il utilise avec sa parole une voix et ماذا et des lettres. يتكلم بحرف وصوت. نعم. Et le Coran est la parole d'Allah Azza wa Jal. Là on rentre dans un autre attribut. Al-ulu. Le fait de reconnaître qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus de toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toute chose. Et il n'y a rien au-dessus d'Allah Azza wa Jal. نعم. وقوله وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. Donc on reconnaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toute chose et on reconnaît aussi qu'il s'est établi au-dessus du trône. Il s'est établi au-dessus du trône. واستواءه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو. Et lorsque on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est établi au-dessus de son trône, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve au-dessus de son trône. Il se trouve au-dessus de son trône. Et qu'il s'y est établi d'une manière que personne ne connaît, en dehors de lui. On affirme qu'il s'est établi au-dessus de son trône, de la façon qui lui convient, mais le comment, on n'en a aucune idée et on ne doit même pas le chercher. On ne doit même pas le chercher. Donc tout ce qu'on sait, c'est qu'il est au-dessus de son trône. Et est-ce que le trône d'Allah Azza wa Jal, est-ce qu'il y a un contact entre Allah Azza wa Jal et le trône? Asman, est-ce qu'il y a un contact entre le trône d'Allah Azza wa Jal et Allah Jalla Jalal? Est-ce qu'il y a un contact? Allah Ta'ala a'lama. Allah a'lam. Il n'y a pas. Il n'y a pas ou là, Allah a'lam. Hein? Donc c'est pas, je pense. Donc c'est pas. En نقول الله تعالى أعلم ولا يقتدي من استوائه أنه هناك ملامسة. Et ça ne veut pas dire qu'on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est établi au-dessus du trône, que forcément il y a un contact entre lui et son trône. Tamam. فهو فوق. Il est au-dessus du trône. Tamam. أما est-ce qu'il le touche ou la هذا من الأشياء التي لا نخوض فيها. فهو فوق. Tout ce qu'on retient, c'est qu'il est au-dessus du trône. Tamam. تقول الله أعلم أو تقول هو فوق العرش والمبتدعة هم الذين خاضوا في ما ليس لهم أن يخوضوا. C'est les gens de l'innovation qui sont rentrés dans des questions et qui ont voulu approfondir sur des choses où Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas permis qu'on approfondisse. فعندنا آية أو آيات تدل على أنه استوى فوق العرش. استوى فوق العرش. Il s'est établi au-dessus du trône. نعم. وإذا نزل إلى سماء الدنيا وهذا ثابت هل يخلو منه العرش؟ Et s'il descend au premier cieux. Si Allah subhanahu wa ta'ala descend au premier cieux, comme cela est avéré dans plusieurs hadiths et dans certains versets. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلُّ لَيْلَةٍ حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ومن يسألني فأعطيه ومن ماذا ومن يسألني ومن يستغفرني فأغفر له الحديث. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, on sait qu'il descend. S'il descend, est-ce que ça veut dire qu'il il quitte son trône? Il descend. On sait que Allah subhanahu wa ta'ala descend. Est-ce que ça veut dire qu'il quitte le trône, ya ikhwan? Hein, Shaoud? Hein? Allah Alam. Papa. Abdelmek? Papa. Asman? Allah Alam. Laisse on a que. Kalamun. Fanahnu n'a qu'ul. Mada? Allah Alam. On a qu'ul annahu yanzil. Wal kif? La na'alamu. لكن لا نقول أنه يخلو من العرش وما يخلو. بعض السلف كالشيخ الإسلام ذكروا أنه ينزل مع عرشه أو يخلو منه، لكن كما مر بنا في لمعة الاعتقاد نحن لا ندخل في هذا، والكلام الحق أن نتوقف نقول أنه ينزل وخلاص. هل ينزل مع عرشه أو دون عرشه؟ فهذا ليس شأننا. على كل حال الشيخ العثيمين الآن يثبت لنا صفة الاستواء، صفات الاستواء، ثم يقول ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم. Et malgré qu'on dit que Allah subhanahu wa ta'ala se trouve au-dessus du trône, on a la ferme croyance également qu'il est avec sa création. Il est avec sa création par le fait qu'il connaît leur situation, qu'il entend leurs paroles et qu'il voit leurs agissements. يدبر أمورهم ويرزق الفقير ويجبر الكثير ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Et on reconnaît que c'est lui qui gère l'univers entier. C'est lui qui gère toutes les affaires. C'est lui qui accorde aux besogneux et qui prive autrui. C'est lui qui donne la royauté à qui il veut et qui la reprend à qui il veut. C'est lui qui honore qui il veut et qui humilie qui il veut. Dans ses mains se trouve le bien tout entier. Et il est sur toute chose capable. ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة ليس كمثله شيء وهو السميع العليم وهو السميع البصير. Et donc Cheikh Al-Uthaymeen conclut ce passage en disant: celui qui a ce genre d'attribut, c'est-à-dire il sait tout. Il a connaissance de la situation de chacun de ses serviteurs. Il entend leurs paroles et il voit leurs agissements. De telles caractéristiques nous amènent à dire que il est avec sa création par sa science et par sa capacité. Tamam. Lakin dhatuhu ayn. Mais son être à lui, il se trouve où, Ya Hamza? Allahu alam. Oui, l'essence. Naam, dhatuhu. Ala al-arsh istawa. Naam, ala al-arsh istawa. Fahmi ma'na ايش? Ay, annahu fawq. تمام في جهات العلو الله سبحانه وتعالى si on demande اين الله تقول فوق في السماء يعني على السماء فوق السماء نعم طيب نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك ولا اله الا انت